Bon, une autre distinction que l'on a remise en cause aussi, enfin, encore une fois, sans forcer, enfin, une autre distinction qu'on a relativisée, je veux dire, c'est celle entre l'oral et l'écrit. Bon, là aussi, il n'est pas question de dire que tout est mélangé. Il ne s'agit pas de nier la distinction entre l'oral et l'écrit, c'est évident. Quand on écrit, ce n'est pas la même chose que quand on parle. Mais d'une part, ce que l'on a voulu remettre en cause, c'est la hiérarchie, le rapport hiérarchique entre l'oral et l'écrit qui nous a fait tant de mal. C'est bien vrai, et maintenant on commence quand même à en sortir. Mais surtout, ce qui nous paraît très important, c'est qu'il n'y a pas non plus de rupture nette entre l'oral et l'écrit. Quand on regarde des textes anciens, et des textes et même des textes médiévaux, eh bien, comme je pense à des testaments, enfin, pour prendre un exemple très loin de nous, en quelque sorte des testaments du Moyen Âge, eh bien, on se demande ce que c'est. C'est de l'écrit, bien entendu, puisqu'il y a un support écrit, c'est de l'écrit qui n'est pas toujours facile à déchiffrer, mais en fait, c'est de l'oral. C'est-à-dire que c'est ce qu'a dit un paysan d'un village qui ne savait pas du tout écrire, c'est ce qu'il a dit au notaire. Et le notaire a transcrit cela, alors pas toujours fidèlement, mais le notaire a pu y mettre sa sauce personnelle, il a pu l'adapter, il a pu en faire justement un document très écrit, c'est-à-dire il a pu utiliser pas mal de procédés de l'écriture, bon, et un style notarial en particulier, mais très souvent, et surtout dans des inventaires après décès ou d'autres textes comme ça, très souvent on trouve de l'oral, c'est-à-dire qu'on trouve finalement des textes qui ne sont pas très différents des textes oraux que nous transcrivons par écrit et que nous publions maintenant dans des recueils. On trouve de l'oral écrit. Et ça, on en trouve constamment lorsque un paysan ou quelqu'un de la ville fait son livre de comptes, et vous savez qu'il y en a eu beaucoup dans l'histoire et que ça continue encore, mais qu'il y a eu beaucoup de livres de comptes qui ont été faits, enfin, d'abord pour faire la comptabilité de l'exploitation rurale, de la maison ou de la famille, et puis aussi pour noter un certain nombre de choses importantes, d'événements familiaux ou d'événements collectifs. Lorsque donc une personne écrit son livre de compte, eh bien, elle ne cherche pas forcément à faire de la littérature, elle écrit très souvent d'une façon tout à fait semblable à ce qu'elle aurait pu dire, et en tout cas, même si le style, enfin, l'écriture n'est pas tout à fait, n'utilise pas tout à fait les mêmes procédés, bien entendu, que l'oral, ce qui est tout à fait essentiel, c'est que ces livres de comptes sont l'expression d'un même type de culture, une culture qui s'est traduite avant tout par l'oral, mais qui peut aussi avoir des manifestations écrites. Et en fait, on s'aperçoit que pour la connaissance de culture populaire traditionnelle, les livres de comptes sont parfois aussi importants et sont souvent complémentaires, en tout cas, des enquêtes orales que l'on peut faire ou des autres documents que l'on peut avoir. Et il y a beaucoup de choses semblables que l'on pourrait citer.